aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Cédric, qui vient spécialement de Toulouse pour nous présenter son livre, qu'il n'a pas fait tout seul, avec un camarade, disons, traduit des textes de l'espagnol, qui était paru pour la première fois en 2008, sous le titre « Pour la memoria anticapitalista reflexiones sobre la autonomía ». Donc, alors c'est des textes, bon, il va tout en dire, hein, mais ça couvre les années 60, 70, 80. Il y a différents thèmes, différents auteurs. Moi, je connaissais Miguel Amoros, parce qu'on voit souvent ces textes, ils ont été traduits. Ils ont été traduits, hein, d'ailleurs, pour la revue Ni Patrie, Ni Frontières, hein, on sait, entre autres. Et qui est un auteur qui navigue entre l'anarchisme et le situationnisme, on va dire, pour simplifier. Et puis, ça a été publié aux éditions du Soufflet, des éditions mystérieuses, c'est le premier bouquin, mais Cédric qui est venu pour présenter, va nous en dire plus. Bon, ben salut. En effet, j'ai participé à la traduction de ce livre. On n'est pas des traducteurs, on n'est pas des historiens, on n'est pas des universitaires. On est des anarchistes, ou en tout cas des personnes influencées par ces idées communistes, anti-autoritaires, anarchistes. Donc, moi, par exemple, c'était la première fois que je traduisais des trucs pour faire un livre. On a mis un nom de maison d'édition, vu que Philippe en a parlé, mais c'est un peu une blague, hein, c'est un pastiche, quoi. C'est un truc qui existera probablement pas plus longtemps qu'un livre. C'est juste qu'il fallait mettre un contact, donc on a mis un contact avec une maison d'édition pour faire un peu sérieux. Mais bon, bref, rentrons dans le livre, ce sera plus intéressant. Donc c'est un livre qui est composé de différents textes, de 7 textes. C'est des témoignages en fait, de personnes qui ont participé à des luttes autonomes, j'écrirai ce qu'on entend par autonome un peu plus tard, dans les années 70 en Espagne. Et c'est des témoignages à la première personne, donc qui est des gens qui expriment leur propre expérience de lutte. Donc pas, de nouveau, c'est pas un regard théorique sur ces moments de lutte, sauf peut-être Miguel Amoros qu'on peut mettre un peu entre un théoricien et une personne en lutte, on ne sait pas trop. Et donc il y a différents textes, et les textes peuvent se lire indépendamment les uns des autres. C'est pas, on peut aller picorer aussi des trucs. Il y a un texte qui parle de l'expérience du Mille, qui est un groupe duquel je vais parler un peu plus tard, parce qu'il a été assez important dans l'histoire du mouvement autonome en Espagne. Donc le Mille, c'était... Mouvement ibérique de libération, un groupe qui va prendre part aux luttes, ou en tant que groupe révolutionnaire, va essayer de contribuer aux luttes ouvrières qui vont en Catalogne à l'époque. Il y a un autre texte qui revient sur l'ensemble des luttes ouvrières. Pareil, en fait, là, je passe juste en vitesse pour dire ce qu'il y a dans le livre, mais je vais expliquer mieux le contexte historique un peu plus tard. Il y a un texte qui parle des luttes ouvrières et de la tendance autonome au sein des luttes ouvrières. Il y a un texte qui va parler des luttes au sein des prisons. Pareil, dans les années 70, en fait, cette autonomie qu'on retrouve dans la rue va aussi éclater à l'intérieur des prisons, ce qui va donner des luttes assez intéressantes et même assez remarquables de auto-organisation à l'intérieur des prisons, de gens qui vont vivre en communauté à l'intérieur des prisons, qui vont mettre tout en commun, l'argent pour les cantines, et qui vont aussi préparer des évasions, qui vont faire des mutineries coordonnées sur l'ensemble du territoire, et ce genre de choses. Il y a 2 textes sur les groupes autonomes libertaires. Pareil, je vais expliquer un peu plus tard ce que c'est en tant que tel, mais il y a 2 textes qui reviennent avec un regard critique sur ce qui s'est passé là et qui expliquent c'était quoi l'idée de s'organiser en petits groupes, en groupes affinitaires, en groupes autonomes. Et un dernier texte qui parle plus spécifiquement de la réalité au Pays Basque, qui était un peu différente, notamment à la présence de la composante nationaliste ou indépendantiste. Et puis un dernier texte qui parle des GARI, donc c'est une coordination de groupes autonomes qui va se faire pour essayer de mettre la pression sur l'État franquiste pour faire libérer les prisonniers du groupe du Mille. Je n'ai toujours pas expliqué ce que c'était. Donc ça commence à faire un truc un peu compliqué. Un peu plus fort, s'il te plaît. Oui. Le livre, en tant que tel, il a une histoire que je trouve un peu intéressante à raconter, parce que ça vient poser la question de comment est-ce que nous, on se fait passer notre propre histoire de lutte. Donc en 2006, il y a un film qui sort en Espagne qui s'appelle Salvador, qui est une arnaque, qui est un livre, un film, un peu grosse production pour le cinéma espagnol, et qui se sert de la personnalité d'un révolutionnaire qui était dans le groupe Le Mille, donc qui s'appelle Salvador Pugantich, et qui essaye de faire une sorte de film sur sa vie, mais qui surtout fait passer les gens du Mille pour des clowns. Je ne sais pas très bien pourquoi ils font des braquages, ça a l'air d'être des gens ultra isolés. Quatre personnes un peu qui se donnent des frissons en faisant des braquages, sans du tout le remettre dans un contexte politique, sans dire à quoi servaient ces braquages, pourquoi les gens faisaient des braquages, ni les idées qu'il y avait derrière ces personnes, au-delà des braquages. Et qui surtout essaye de venir cautionner l'unité nationale qui a eu lieu à la mort de Franco, donc à un moment, à la mort du dictateur. Il faut essayer de faire tenir ensemble les franquistes, les gens qui étaient du côté de Franco, et les personnes qui avaient subi la dictature. Ça va se faire à travers la réforme, à travers les pactes de la Moncloa. Donc à un moment, il va y avoir une sorte de truc d'essayer de faire tenir ensemble. On voit ça souvent à la fin, soit du moment de dictature, soit à la fin de guerre. Il faut essayer de faire tenir ensemble un pays, alors qu'il y avait des dissensions, alors qu'il y avait des fortes tensions à l'intérieur du truc. Et là, notamment, dans le film, Salvador, qui était un révolutionnaire, c'est évident que c'était un révolutionnaire, il a participé à des groupes, il a participé à des écrits, enfin, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et par exemple, il est montré, il peut se faire copain-copain avec le maton. Donc, Salvador est une personne qui va se faire, c'est la dernière personne politique qui va se faire garrotter sous Franco. Et par exemple, dans le film, il arrive à montrer que ce révolutionnaire se serait fait copain-copain avec le maton, ils jouent au basket ensemble. Donc c'est clairement une insulte à la mémoire des luttes, c'est clairement une insulte aux révolutionnaires anarchistes et autonomes. Et à ce moment-là, quelques personnes actives dans les années 60-70 se réveillent, voient ce film et se disent « mais en fait, on est en train de se faire piquer notre histoire, mais c'est aussi parce que nous, on la prend pas en charge, c'est aussi parce que nous, on la raconte pas. » Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent en faire un spectacle, qui peuvent en faire du cinéma. C'est aussi de notre faute, en fait. Et pour faire face à ça, en sorte de réaction à ça, il va y avoir des journées anticapitalistes qui vont s'appeler des rencontres, je sais plus comment, les journées anticapitalistes qui vont se passer à Valence, donc en 2006, où à chaque fois, c'est des protagonistes de l'époque qui vont venir et expliquer le contexte historique, le contexte social, leur participation aux luttes. Ces discussions, elles vont être enregistrées et retranscrites, et c'est ça qui va donner la version espagnole castillane du livre. Donc c'est de là qu'il vient ce livre. C'était pour la petite histoire, du coup, de dire... En fait, il est déjà dans une volonté de mémoire, après la réaction de se dire, mais en fait, on n'a jamais été capable de la raconter. Et je dis ça parce que je pense qu'en France, par exemple, ce serait pas mal si les gens pouvaient le faire aussi. C'est un bout de l'histoire qui nous manque et que personne ne fait. Et en plus, j'ai l'impression que les personnes qui étaient actives dans les années 70, elles commencent à partir, et du coup, voilà. Je sais, le film là dont tu parles, il n'y a pas aussi une récupération des catalanistes? Ou pas du tout dans ce film? Il m'avait semblé dire ça. Il y a longtemps, mais je ne sais pas. Il me semble un peu que c'est, ils en font un héros catalan, plus qu'anarchiste. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Et en tout cas, pour la petite histoire, de nouveau, ce film est produit par un trotskiste de l'époque, qui dans les années 70, et donc a bien intérêt à aussi montrer que les anarchistes ou communistes anti-autoritaires étaient des clowns, et qui, et en tout cas, a caché toute cette partie-là de l'histoire. Donc comme je dis, nous on l'a traduit, on le met à disposition en français. On n'a pas fait beaucoup plus que ça, en fait. Et pourquoi? Parce qu'on pense qu'il a encore un intérêt pour aujourd'hui. Non seulement parce que nous, dans notre parcours de lutte, c'est des manières de s'organiser qui nous ont influencés, mais aussi pour la critique de la gauche et de l'extrême gauche qui est fort présente dans ce mouvement, en tout cas au sein des révolutionnaires, au sein des anarchistes et autonomes. Il y a vraiment une critique très forte de la gauche, des groupuscules d'extrême gauche qui est faite, et qui pour nous a été une influence et est toujours d'actualité. Il y a la critique de la démocratie qui arrive très vite, donc même sous Franco, sous une dictature, il y a déjà cette critique de la démocratie qui émerge comme la suite en fait du maintien du système capitaliste. Et notamment aussi une dernière raison pour laquelle on l'a traduit, c'est cette organisation sous forme de groupe autonome et de la critique de l'avant-gardisme et du léninisme, donc d'un parti politique qui amènerait le prolétariat vers la révolution. Donc eux, ils vont faire la critique de ça assez vite. Voilà, ça c'est en gros pour le livre, comment il est composé. Chaque texte pourrait être le départ d'une discussion qui mériterait de discuter pendant une après-midi, un jour, plus. Là, c'est pas ce qu'on a décidé pour aujourd'hui, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une sorte de panel de ces 10-15 années dans lesquelles est entretenu le mouvement autonome, en tout cas ce qui est appelé le mouvement autonome en Espagne. C'est un peu dur de faire un retour historique sur une aussi grosse période, mais je vais essayer de faire un peu pour donner des billes, et après on peut discuter, et je me tairai un peu, et puis, ça sera plus simple. Donc là, je vais juste essayer de donner un peu l'aperçu historique et quelques billes pour pouvoir discuter après. Donc on est en Espagne. Juste pour remettre le contexte, en 1936, il y a un coup d'État militaire qui démarre par Franco. Donc c'est un coup d'État fasciste qui veut faire tomber la République. Et face à ça, s'organise une résistance dans laquelle les anarchistes vont avoir un rôle très très important. Donc c'est pareil, je commence en 1936 parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais en fait, le mouvement anarchiste est déjà en route depuis des années. Il va avoir un rôle très important dans la résistance à Franco. Et en 1939, c'est Franco qui emporte la guerre civile, s'instaure la dictature, et les mouvements politiques vont être quand même très décimés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien, ça veut juste dire vraiment ça va être dur de maintenir une activité politique à l'intérieur du territoire espagnol. Il y a des gens qui vont continuer depuis l'exil, il y a des gens qui vont prendre les maquis, qui vont maintenir une résistance clandestine à l'intérieur du territoire. Mais c'est un truc où toute opposition est quand même vraiment laminée par la dictature. Malgré ça, on voit, donc ça c'est en 1939, début des années 60, moitié des années 60, recommence un cycle de lutte, principalement à partir des usines et à partir de lutte ouvrière. Alors on peut l'expliquer notamment parce que à la fin des années 50, Franco déploie un plan industriel, et donc il y a des grosses industries qui s'installent, enfin, qui sont installées dans les grandes villes, donc Barcelone, Madrid, en Navarre, en Asturie, il y a les mines, et donc tout ça, ça fait que des gens vont des campagnes vers les villes, ou en tout cas vers les pôles industriels, et se retrouvent dans des quartiers qui surgissent de terre, quoi, qui sont créés à ce moment même autour de ces pôles industriels, ce qui va faire que des milliers de personnes se retrouvent dans les mêmes conditions et à devoir s'entraider, enfin en tout cas de fait c'est ce qui se passe, ça aurait pu être autrement, mais en tout cas il va y avoir une entraide entre les personnes et une solidarité de classe qui va se façonner à partir de cette... Et donc qui va aussi permettre la renaissance de lutte, en tout cas un nouveau cycle de lutte. Et on va voir apparaître par exemple les commissions ouvrières, les comisiones obreras, qui démarrent comme un outil autonome des ouvriers et des ouvrières au sein des usines, et c'est un outil vraiment d'organisation pour faire face au patronat. À ce moment-là, c'est un outil qui est en dehors de toute organisation politique, en dehors des syndicats, qui va très vite se faire récupérer, enfin très vite, au bout de plusieurs années, 5, 6, 7 ans, va se faire récupérer par le PC, par le Parti communiste, qui voit ça comme un moyen d'accéder au pouvoir ou de participer au contre-pouvoir, en déjà probablement en visant aussi la mort de Franco, et de se dire, bon, comment est-ce qu'on commence déjà à placer les pions pour quand Franco mourra, où est-ce que nous on sera. Il y a ces luttes-là, il y a les luttes au sein des facs, dans le milieu clientin. Et après, on voit aussi qu'il y a de nouveau, malgré la dictature, par exemple au Pays Basque, il y a un gros procès, il y a l'organisation ETA, indépendantiste ETA, qui existe déjà depuis un petit temps. Et en 70, il y a un procès qui veut juger 16 personnes d'ETA, probablement va les condamner à mort. Et là, il y a déjà des mobilisations, mais de dizaines et de centaines de milliers de personnes, notamment des grèves solidaires par rapport au procès. Comme ça, pour dire que ça commence à bien bouger, à fomenter. Et à l'intérieur de ces luttes, il y a une tendance à l'autonomie qui est remarquée, c'est-à-dire qu'il y a un rejet des syndicats, des partis, même des partis qui à l'époque sont encore illégaux, hein, parce que sous la dictature, évidemment, il n'y a aucun parti qui peut exister légalement. Mais malgré leur illégalité, ce qui aurait pu leur donner un peu de crédit, en fait, ils sont déjà rejetés majoritairement par les mouvements ouvriers. Et donc il y a cette autonomie par rapport au parti, au syndicat, aux prémices de syndicat, vu qu'il n'y avait qu'un syndicat, le syndicat franquiste qui était autorisé. Il y a un refus du dirigisme, il y a surtout, ils vont s'organiser sous forme d'assemblée, donc ils vont se donner un outil qui est l'assemblée. Juste pour se remettre en contexte, parce que je pense que les assemblées aujourd'hui, ça peut être des choses très différentes. Peut-être pas tant en fait qu'à l'époque, mais. Qu'à l'époque, c'est l'assemblée de lutte, c'est pas des assemblées pour gérer notre quotidien, pour vivre sans patron, sans chef, c'est des assemblées de lutte dans un moment de conflit ouvert avec le patronat et avec le gouvernement, qui vise à avoir, à penser un peu la dimension collective qu'il peut y avoir de ces luttes. Mais par exemple, pour dire, c'est pas là où moi je fais une petite différence avec ce qu'on peut entendre par assemblée aujourd'hui. Par exemple, c'est très clair que ce n'est pas des assemblées démocrates où pouvaient venir les briseurs de grève. Il n'y avait pas de place pour les personnes qui ne participaient pas aux grèves, qui ne participaient pas aux luttes. C'était, enfin, en tout cas de ce qui est dit dans le livre, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça. Mais en tout cas, il y avait plus une évidence de si tu n'es pas dans la, c'est une assemblée d'organisation de la lutte. Si tu n'es pas dans la lutte, tu ne viens pas décider si on bloque ou si on ne bloque pas. Nous, on a décidé qu'on bloquait, on va bloquer. Ce qu'on peut voir de manière un peu différente de ce qu'on a raconté. Sur les facs, mais aussi sur des moments, peut-être même comme dans les gilets jaunes ou quoi, que c'est moins clair ce rapport de que l'Assemblée sert aux gens en lutte. Pour dire que cette tendance à l'autonomie encore, par exemple, il va y avoir des élections syndicales qui vont être organisées encore sous Franco, donc ça c'est une sorte de coup de force, comme on peut le voir à des moments sur des référendums, d'essayer de forcer le coup. Pour faire passer le truc, donc il y a des élections syndicales qui sont organisées pour essayer de faire exister ces syndicats. Et pareil, des chiffres qu'on a, je ne sais pas si on y croit ou si on n'y croit pas, mais en tout cas, il y a 60% des ouvriers qui boycottent les élections syndicales. Donc pour dire qu'il y avait quand même un rejet assez, assez fort de ce qui pourrait ramener vers une forme de réformisme. Au sein de ces luttes, donc ils sont là encore à ce moment-là, au début des années 70, principalement au sein des usines, il y a des groupes autonomes de propagande et d'action qui vont naître. Je vais citer Nuestra Clase, les Grupos Obreros Autonomos et Plataformas. Donc ça, c'est des groupes plus organisés au sein de ces, qui sont issus de ces luttes, qui s'organisent notamment pour la propagande, de l'intervention, et qui vont exister en tant que tels, qui vont faire pas mal de propagande, d'écrits. Alors comment on explique que tout d'un coup il y a un mouvement qui sort, il y a les conditions matérielles, là, que je disais un peu tout à l'heure, il y a aussi l'influence de mai 68, qui arrive en Espagne. Il y a un long héritage des luttes anarchistes, que j'ai un peu évoqué avant, mais on peut aussi voir qu'il y a un contexte européen et même mondial où il y a beaucoup de choses en ébullition. Et aussi, moi, je pense que dans ces moments de lutte, en fait, tout est à inventer et tu le trouves par toi-même. Cette tendance à l'autonomie, j'ai l'impression, elle surgit assez vite quand il y a des moments de conflit un peu importants. Donc, dans ce moment de lutte, principalement sur les lieux de travail, il y a le MIL qui apparaît. Donc, le MIL, je vais prendre un peu de temps d'en parler. Parce qu'il va être assez déterminant pour la suite de l'autonomie en Espagne, de par quelques apports théoriques et pratiques qu'il amène. Donc le MIL, c'est un groupe de personnes qui se vivent comme révolutionnaires. Certaines personnes sont issues des milieux ouvriers et réellement impliquées dans le travail à l'usine. D'autres personnes sont dans un truc de refus du travail. D'autres personnes, juste pour dire un peu d'où ils viennent. En tout cas, ils se considèrent comme des personnes révolutionnaires et essayent de voir comment, en tant que révolutionnaire, tu interviens dans un moment où ça peut être de partout, où il y a du conflit, et certainement du conflit qu'ils identifient comme intéressant grâce à cette tendance à l'autonomie, à ce rejet des partis, des syndicats. et de la gauche en général. Et donc, des choses qu'ils vont mettre en place, c'est les éditions de mai 1937, pour amener des critiques radicales, anti-léninistes, parmi les ouvriers, donc de vraiment faire un travail de propagande au sein du milieu ouvrier. Et un autre truc qu'ils vont apporter, qui va être important, c'est la critique de la lutte armée en tant que telle. Ils vont opposer la lutte armée, au concept de lutte armée, ils vont opposer le concept d'agitation armée, donc de continuer à lutter en armes. Ils pensent que, en effet, le conflit pourrait et devrait, le niveau de conflit pourrait et devrait être supérieur pour se débarrasser du capital, mais refusent la spécialisation en groupe avec un nom, un sigle qui se fera perdurer, et veulent essayer de penser cette agitation en armes au sein d'un conflit social, ou en tout cas de comment est-ce qu'il apporte, comment est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait se répandre. Donc ça, c'est quand même deux apports assez importants, la critique de la gauche qui s'identifie immédiatement comme la gauche du capital, et la notion d'agitation armée. Pour donner une idée, après, du coup, ça va... Donc ce groupe, il se termine en 73, avec un... Comment on appelle ça ? Une sorte de colloque, je ne sais plus comment ils disent. En tout cas, il y a un texte d'autodissolution qui est écrit et qui vient réaffirmer ça, quoi. Qui dit aussi, en fait, nous, en tant que groupe, on doit disparaître, parce que là, on commence à vivre en tant que spécialiste, et on doit continuer à se fondre dans le mouvement. Pour donner une idée, donc ces luttes, elles vont continuer. Pour donner une idée, en 1976, il y a 40 000 grèves qui sont recensées sur l'année, qui impliquent plus de 3 millions de personnes, donc pour dire en fait que c'était assez consistant. C'est un mouvement qui démarre des usines, mais qui se répand dans la société. Donc comme je dis, il y a une forte conscience de classe. Il y a pas mal de grèves qui sont menées en solidarité. Donc soit la grève, elle commence ailleurs, dans la même corporation ou pas. Et tu vois qu'un peu partout en Espagne, il y a des grèves solidaires. Mais aussi face à la répression de... À telle grève, elle a été réprimée. Il y a assez souvent des morts, par exemple, dans les confrontations avec la police. Et du coup, il y a des grèves générales qui se font aussi juste sur le fait de « Ah, vous avez essayé de briser la grève là-bas, maintenant on se met en grève. » Peu importe le type d'usine qui était en grève. Il y a pas mal de manifestations face à la répression, à tel point que à ce moment-là, l'État franquiste doit déclarer à plusieurs reprises l'état d'exception ou l'état de siège, tellement il n'arrive pas à gérer la situation. Là, je vais faire un truc, c'est un peu... historiquement, c'est un peu fantoche, mais je pense que ça aide à comprendre. En 75, il y a la mort de Franco. Enfin, je pense que c'est réel, mais on voit que tout est déjà en cours déjà avant, donc c'est pas la mort de Franco qui crée le départ des luttes. Donc en 75, Franco meurt. Même s'il a laissé l'Espagne, il avait prévu sa mort, donc il avait imaginé comment il avait déjà ficelé un peu la suite. Donc en fait, il y a une sorte de rentrée dans la démocratie par une monarchie qui est déjà un peu pactée avant la mort de Franco. Mais n'empêche que ça fait un truc politique, qu'il y a quand même la dictature qui tombe. Donc là, on voit les luttes qui partent de plus belle. Je pense que ça fait un vrai appel d'air, un vrai sentiment de possible pour beaucoup de gens de « Voilà, Franco est mort, on va passer à autre chose. » Et là, pendant 4-5 ans, il va y avoir une tentative de la part du pouvoir d'instaurer la démocratie, mais des luttes qui vont potentiellement aller vers ailleurs. C'est des luttes qui, du coup, là, vont plus uniquement être basées dans les usines, mais vont partir sur des comités de quartier. Donc pareil, qui vont garder ces tendances autonomes de rejet du politique, mais qui vont aussi être dans les quartiers, qui vont prendre la question du nucléaire, du féminisme. Il va y avoir des assemblées de marginaux, donc c'est les personnes elles-mêmes qui s'auto-dénominent marginales, et qui vont faire des assemblées qui regroupent les homos, les psychiatrisés, les prostituées. Donc on voit vraiment que ça part sens différent, que la morale franquiste, donc catholique, est vraiment attaquée aussi à plein d'endroits. Il va y avoir un mouvement un peu plus tard, le mouvement des insoumis, de rejet du service militaire et de l'armée. Et ça va arriver, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à dans les tôles, avec la COPEL, la coordination des prisonniers en lutte. Donc là, c'est des prisonniers dits de droit commun, donc des prisonniers quoi, les vrais, qui s'organisent à l'intérieur de la prison pour essayer de reprendre leur vie en main et vont mettre en place à l'intérieur des prisons des formes de communauté qu'eux ils appellent ça commune. Donc vont vraiment vivre en mettant tout en commun à l'intérieur dans l'idée de préparer les évasions et détruire les prisons. Il y a deux trucs. Il y a un truc d'aller vers des revendications pour essayer de gagner de l'espace à l'intérieur de la prison, mais que l'idée c'est on veut tous sortir. Et ça, ça vient notamment de l'idée que, à la mort de Franco, donc comme je disais, pour essayer de retenir le pays ensemble, il va y avoir une amnistie qui va être faite pour les politiques, mais qui inclut pas les prisonniers de droit commun. Et les prisonniers de droit commun trouvent que c'est une injustice, et donc vont commencer à se mobiliser à partir de là, de dire, bah, en fait, si les politiques y sortent, nous aussi on sort. C'est pas possible cette histoire. Et du coup, la voie de sortie, ça sera la révolte. Pour donner une idée de l'intensité du conflit à l'intérieur des prisons, à un moment, les matons sortent des ailes et maintiennent juste la sécurité sur les quatre murs. Donc ils sont plus à l'intérieur de la prison en tant que tel, ils essaient juste d'essayer qu'il n'y ait plus d'évasion. Et à l'intérieur de la prison, c'est les prisonniers qui sont de manière auto-organisée à l'intérieur, qui gèrent la prison en tant que tel. Ça va être cette lutte va durer 2 ans à peu près, et enfin, en tant que copel. Il va être acheté par un directeur des prisons. Bon, il va être acheté à chaque fois, quand je vais dire récupérer, acheter, je pense que c'est un double mouvement. C'est aussi le mouvement qui accepte de rentrer dans le jeu politique. Mais c'est aussi, en effet, des gens qui viennent, qui te donnent des carottes, te vendent du rêve. Donc là, il y a un directeur général de prison de gauche, plutôt progressiste, qui arrive et qui commence directement quand il arrive. Il dit, bon, ben, je veux recevoir une délégation de la COPEL dans mon bureau, je vais vous entendre, nanana. Et il commence à lâcher des permissions qui existaient avant, des parloirs comme les IVF aujourd'hui, les unités de vie familiale, des parloirs intimes. Et donc il va commencer aussi à faire des trucs, donc avec les permissions par exemple de faire des graduations à l'intérieur des prisonniers, si tu te comportes bien, tu auras ta permission. Donc là, ça vient faire qu'à un moment, améliorer tes conditions, ça passe plus uniquement par la révolte, ça peut aussi passer par la soumission ou collaboration avec la pénitentiaire, ce qui avant n'était pas. Et je dis ça parce que je pense que ça va être une tendance, enfin un des trucs que j'aimerais bien toucher dans la discussion par après, c'est que c'est aussi comme ça qu'une des manières de mettre fin aux luttes autonomes dans la rue, ça va être la gauche qui arrive et qui commence à donner des miettes, à donner du rêve, à venir avec des solutions à l'intérieur du système capitaliste. Et là, on voit à l'intérieur de la prison, c'est assez flagrant. Donc voilà pour la petite parenthèse sur la COPEL. Donc il y a un double, moi j'appelle ça une sorte de double autonomie. Il y a le mouvement autonome duquel j'ai parlé, qui est le mouvement massif de dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes dans la rue qui rejettent les politiques. Et à l'intérieur de ça, il y a un truc plus spécifique qui est les groupes autonomes. Groupes autonomes libertaires. C'est une appellation policière à la base, les groupes autonomes. Pas quelque chose. Les gens se nomment pas comme ça à la base, mais quand ils vont commencer à se faire arrêter, la police monte un truc en les appelant les groupes autonomes libertaires. On a démantelé les groupes autonomes libertaires. Et pour parler d'eux-mêmes, au final, les personnes, pour faire connaître leur situation, vont reprendre à leur compte cette appellation. Mais à la base, c'est une appellation policière. Donc, c'est les groupes révolutionnaires qui vont agir au sein des conflits pour les situer idéologiquement. Une de leurs idéologies, c'est le refus des idéologies. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y a clairement une critique du léninisme et des avant-gardes révolutionnaires. Il y a une critique du militantisme issu de l'ultra-gauche et des idées situationnistes. Il y a une critique du militantisme qui va inclure l'anarchie formelle, on va dire. Donc il y a par exemple, ils vont projeter l'étiquette, même si moi j'estime que c'est pas que une étiquette, mais donc ils vont projeter l'étiquette anarchiste. Aussi pour se démarquer de la CNT et de l'anarchie plus formelle. En tout cas, ce qui est clair et qu'on peut partir, c'est qu'ils s'organisent de manière anti-autoritaire et c'est des groupes anticapitalistes qui veulent aussi subvertir la vie quotidienne, donc essayer de casser la séparation entre la critique du militantisme, c'est ça, c'est qu'il n'y ait plus de séparation entre la vie privée, la vie quotidienne et les moments où tu fais de la politique. Donc plus de différence entre politique et personnel. Ça, c'est se voir dans les relations immédiates et dans comment s'organisent les groupes, donc en essayant d'être le plus anti-autoritaire possible. dans le refus du travail, dans essayer de briser les normes, l'attaque de la morale, donc l'idée un peu de vivre immédiatement en révolutionnaire et le plus proche de tes idées. Et c'est des groupes qui vont utiliser la violence révolutionnaire, en essayant de ne pas en faire l'apologie. Donc de nouveau, quand je disais que le Nil a été important, c'est que ces groupes qui arrivent plutôt vers 75, 76 et après, vont avoir cette expérience du Nil et des garis, et d'essayer de à la fois utiliser les armes dans la lutte, mais de ne pas en faire le truc principal, d'essayer de ne pas confondre l'utilisation des armes et la radicalité des actions. De nouveau, dans la même idée que le niveau de conflit pourrait et devrait aller plus loin que ça, et donc essayer d'améliorer aussi ces pratiques et voir à quel point elles sont réappropriables. C'est des groupes affinitaires qui se font et qui se défont. C'est pareil dans le livre, il y a un texte qui l'explique assez bien. Donc plutôt l'idée, c'est un ensemble de personnes qui se reconnaissent sur des idées politiques, mettent en commun des pratiques, des armes, des logistiques, des manières de faire, des connaissances pratiques et théoriques, pour que un maximum de personnes. Après, pour que chaque groupe puisse intervenir de manière autonome au sein des conflits. Voilà. Donc ils vont critiquer le refus du SIG. Donc par exemple, il ne va jamais y avoir, comme on peut voir avec des drapeaux, ETA ou des groupes dans d'autres pays. Ils ne vont pas exister avec un nom. C'est des gens juste qui interviennent et qui ne veulent pas se faire exister en dehors de ça. Certaines actions vont être revendiquées, d'autres ne seront pas revendiquées. Plus tard, là, juste pour donner un peu l'idée dans les garis et... Les garis, tu n'as pas présenté encore. Gari, c'est le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. C'est cette coordination-là que je disais qui s'est créée quand les gens du Nil se font incarcérer et risquent des peines de mort. Et donc, il va y avoir une coordination de groupes autonomes qui va se faire en France principalement. Et par exemple, là, on va voir, pour éviter justement d'exister. Donc, eux, c'est très clair, ils se regroupent sur ce moment d'essayer de faire libérer les prisonniers du Nil. C'est pas un nom qui doit exister après ça. Donc, en effet, une fois que leur tâche sera accomplie, les garis, ça n'existe plus. Et c'est un peu ça l'idée des groupes autonomes, c'est à un moment, s'il faut, tu peux te donner un nom, à d'autres moments, tu ne vas pas te donner de nom. Mais en tout cas, tu te retrouves le temps de mener à bien une tâche. Une tâche, ça peut être sur plusieurs années, ça peut être un soir, ça peut être le temps d'une lutte. Avec cette idée que la critique des organisations, avec une sorte de petit jeu de mots sur la critique des organisations, de dire la seule organisation, c'est l'organisation des tâches. Donc, je veux dire, en fait, on s'en fout d'exister en tant qu'organisation. Ce qui importe, c'est qu'on fasse, c'est qu'on sache à un moment se donner les moyens de faire. Avec quelques points que moi je trouve intéressants dans cette manière de fonctionner, je pense que ça évite les dynamiques de groupe, justement, de devoir défendre ton compagnon, ta compagnonne, parce qu'elle est dans le même groupe que toi, mais de pouvoir plutôt accepter les désaccords. Tu n'as pas une ligne politique à sauver. Vu que tu te regroupes à des moments précis, tu peux aussi assumer les désaccords. Je pense que ça responsabilise les individus au sein du groupe qui ne peuvent pas se décharger sur une entité extérieure à eux qui serait le groupe. Ça évite la bureaucratie et la représentation. Et le lien, idéalement, le lien, ce qui lie les personnes, c'est des liens de but, c'est pas juste l'appartenance à un groupe, c'est une vraie volonté d'agir. Je vais bientôt terminer, du coup là je vais parler de comment ça se termine, cette petite histoire. Fin des années 70, début des années 80, déjà il y a une répression très dure, une répression policière et étatique drastique. Comme je disais, il y a des morts, il y a des années de prison, au bout d'un moment ça arrive. Il y a cette arrivée de la démocratie qui vient donner des sortes de solutions, qui vient donner des garanties vous pourriez vivre mieux sans lutter. La preuve, c'est la démocratie. En contrepartie de la dictature, en plus, du coup, ça fait un truc assez facilement acceptable. En fait, ils vont commencer à donner un peu ce qui en France, en Belgique et ailleurs, a été l'État-providence. Il arrive en Espagne seulement au début des années 80. Et du coup, en effet, si vous voulez reculer, vous n'êtes pas obligé de lutter. Vous pouvez juste aussi accéder à quelques marchandises, avoir une meilleure place dans le capital. Et un autre bout qui a été présent beaucoup dans les quartiers et dans les tôles, c'est que vers 76 et un peu après, arrive l'héroïne dans les quartiers, qui va vraiment décimer les luttes d'une manière assez drastique aussi. Après, on pourrait... une des pistes de discussion, si jamais il n'y en a pas qui sortent de là, moi j'en ai une ou deux, que aussi le mouvement perd, pas juste parce que la gauche arrive et vient vendre des illusions. Mais en effet, peut-être parce que ce mouvement n'était pas si fort que ça, que ce qu'on aurait pu l'imaginer, que peut-être les idées n'étaient pas si claires, que peut-être il n'y avait pas de perspective de vers où on va, mais juste un ras-le-bol de ce qu'on vit. Je pense que c'est toujours les deux à la fois. Donc voilà, moi je vais me taire, juste redire un peu pourquoi nous on a sorti ce livre. Donc on a essayé en tout cas que ce soit pas que de la nostalgie, même si évidemment des moments de lutte comme ça peuvent faire rêver. Mais dans le livre, en permanence, donc les personnes qui ont témoigné, c'est les personnes qui ont autour de 70 ans, et elles essayent toujours de faire le lien avec aujourd'hui. Elles disent bon, ok, ça c'était notre réalité à l'époque, c'était celle-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et on espère qu'en sortant un livre de lutte d'il y a 40 ans, c'est en effet à ça que ça nous sert. Je pense que la critique de la gauche et du réformisme, elle reste vraiment super importante et d'actualité. Là, on voit que c'est la démocratie, entre autres, qui vient tuer le mouvement. On peut parler de la ZAD, à un moment aussi, comment le gouvernement, même en lâchant son projet d'aéroport, finalement arrive à ramener à la norme et à l'ordre en promettant des trucs, du coup en revenant normaliser la situation en tout cas. Cette idée là des groupes affinitaires, qui pour moi reste la manière la plus anti-autoritaire de s'imaginer, et qui permettrait en plus aussi d'agir en temps moins favorable, aussi en temps de quand il n'y a pas de mouvement social, et de pouvoir quand même agir sur ses propres bases. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y a dans ces livres, de ce que je voulais vous dire. Et maintenant je propose que je redevienne une personne normale comme vous, qu'on se parle. Ben, merci pour cette introduction et merci d'avoir réalisé ce bouquin qui effectivement est très intéressant et sur des luttes pas très connues en plus. Enfin, on en parlait à l'époque, mais après elles étaient peut-être un peu tombées dans l'oubli. Alors la parole est à vous, lancez-vous, plein de choses à dire. Vous avez traduit tout le bouquin ou c'est un choix des textes? On a traduit à peu près tout le bouquin. On a traduit les textes qui nous paraissaient intéressants. On a évincé des textes qui se répétaient les uns les autres, parce qu'en fait, je pense que de la part de la personne principalement, enfin c'est surtout une personne qui a fait le livre en espagnol, et elle avait une sorte d'obligation face aux personnes qui avaient fait les discussions de reprendre la retranscription, même si elle en pensait pas nécessairement du bien. Et du coup, elle avait comblé les discussions par d'autres textes, notamment le texte que nous on a mis sur le mouvement autonome au Pays Basque, venait un peu essayer de blinder la première intervention qui était un peu pas très intéressante, et du coup il l'avait complété. Ben, nous on a laissé tomber la retranscription, on a mis que le texte, parce qu'on pouvait se permettre, on n'avait pas de devoir face à la personne. Et après il y a eu des choix politiques sur deux textes qui revenaient sur l'expérience d'Action Directe, qui pour nous était en contradiction avec ce que défend ce livre, et avec ce que nous on voulait mettre en tout cas dans ce livre. Dans l'idée d'un groupe avec un sigle qui propose la lutte armée, qui se base sur des idées, en tout cas un mode d'organisation au minimum, un mode d'organisation léniniste, et qui était en contradiction avec la proposition des groupes autonomes, et du coup nous on a décidé de ne pas les mettre. Et le copain, donc c'est un copain qui a fait le livre en espagnol, lui se sentait, donc il sortait le livre à un moment où il y a encore les personnes d'Action Directe sont encore en prison, et donc ils ont une sorte de devoir, pour dire Jean-Marc Royan était dans le mille, était dans les galeries, et était dans l'Action Directe, et donc il y a une sorte de devoir, en tout cas ils sentent un truc de solidarité face à un compagnon avec qui ils ont lutté, même s'ils sont en désaccord, ils vont les inclure dedans. Nous on a pris le parti de ne pas avoir des personnes d'Action Directe. Je sais pas si les personnes étaient encore en prison, si on l'aurait fait ou pas. Dans ce cas-là, les personnes ne sont plus en prison, donc cet argument ne tient plus. Même pour les personnes en Espagne, elles disent si c'était... Quand elles refont des éditions plus tard, elles font un point critique dans l'introduction sur pourquoi ils ont mis les trucs d'Action Directe. Et en plus, ça ne cadrerait pas vraiment avec le livre, vu que c'est un groupe qui lutte en France sur d'autres bases. Donc aussi, nous, on était assez à l'aise avec l'idée de retirer ces textes. Mais sinon, on a rajouté un annexe. On a rajouté un texte écrit pour l'occasion, qui en mai 1937, qui est la collaboration de la CNT au gouvernement antifasciste. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et on a rajouté un communiqué de femmes prisonnières, femmes autonomes anarchistes prisonnières, parce que c'était même pas abordé dans le texte sur la COPEL, donc sur la coordination des prisonniers en lutte, c'était même pas abordé la question des femmes. Et du coup, on a trouvé un communiqué qu'on a rajouté pour et faire exister cette présence, et aussi la présence des femmes au sein des luttes, qui était une réalité. À part ça, c'est le livre espagnol traduit en français. Donc, tu l'as un peu dit, mais bon, ces groupes autonomes étaient même en opposition avec certains anarchistes. Mais ceux de la CNT. Bon, on sait que ça a été, enfin, la reconstitution de la CNT a été difficile, mais elle aussi, il y a eu une volonté de l'État de criminaliser tout le monde. Une fois qu'ils ont fait le pacte de la Moncloa, où les partis propres ont dit que c'est bon, il y avait amnistie des franquistes, tout ça, et tout ce qui rentrait pas dans cette norme a été quand même criminalisé. La CNT, bien qu'étant peut-être des anarchistes entre guillemets officiels, on les a emmerdés, il y a eu des faux attentats, et ça s'est aussi mal terminé pour eux, quoi. C'était aussi un danger pour l'État, malgré tout. Même si les groupes autonomes étaient plus radicaux que la CNT, la CNT représentait quand même un danger pour l'État, puisqu'ils ont, ils l'ont criminalisé et monté des opérations contre eux, quoi. Alors, il y avait ça. Après, j'ai entendu parler de gens qui avaient fait mener une évasion à Barcelone. Je crois qu'il y a un gars qui a un peu fréquenté le CERN à l'époque, qui a participé. Donc des compagnons français qui se retrouvent en prison, après une histoire de tunnel, je sais pas, tu pourras peut-être nous en dire plus, ça me dit vaguement quelque chose. Et puis voilà, c'est tout pour l'instant. Oui, je continue à raconter des histoires. Oui, bah oui, mais là, écoutez, il y a mille anecdotes. Enfin, pas que des anecdotes. Une histoire. C'est des moments d'histoire, c'est pas des anecdotes. Mais oui, et pendant la COPEL, il y a eu des tentatives de tunnel creusées depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Et donc pareil, c'est les gens qui vont se retrouver sous l'appellation groupe autonome. Principalement, ça part de ces personnes, de l'idée de bon, on va essayer de faire s'évader les gens. En fait. Et je ne sais pas si c'est celle-là que tu parlais, mais il va y avoir une tentative d'évasion à la Modelo à Barcelone. Ouais. Et l'idée, c'est de faire sortir tout le monde. C'est vraiment de faire sortir tout le monde. C'est prévu comme ça, c'est pensé comme ça, c'est organisé pour. Le tunnel est fait, le tunnel est prêt. Et à part que tous, vu que tous discutaient en assemblée, l'évasion-là, elle n'était pas discutée en assemblée, mais ça s'est su. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher les gens, elle par elle, et de dire, en fait, il y a un tunnel, retrouvez-vous, je crois que c'était au confessionnal, à telle heure, et on va sortir. À part qu'il y a des gens qui ont préféré balancer le truc pour descendre leur peine que de profiter de l'évasion. Et donc le tunnel est découvert, et donc l'évasion n'aura pas eu lieu. Il n'est pas mis au début de la match, je ne sais plus sur celle-là, parce que je comprends différentes histoires. Au fur et à mesure que je la raconte, je me dis, est-ce que c'est celle-là où il y en a eu quand même, ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? D'autres personnes savent mieux. Mais du coup, les gens en ce moment, ils ne sont pas en cellule, ils sont en dortoir. Ce pas des cellules individuelles. C'est des cellules de 2, 3, 4 personnes, mais comme je disais, les matons ne sont plus à l'intérieur des ailes. Les matons, ils sont à essayer de. Ils ferment la porte de la prison, ils maintiennent les 4 murs. Mais ce qui se passe à l'intérieur, ils ont presque plus de prison. Les cellules sont souvent, les portes sont dégondées, il n'y a plus de portes aux cellules à certains endroits. Il y a des trous entre, dans les murs entre les cellules. Enfin, c'est assez difficile à imaginer. Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont participé à ces luttes, que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire pouvoir vivre en commune. S'ils disaient toujours, ouais, on vivait en commune, et qu'est-ce que c'est vivre en commune à l'intérieur d'une tour? Mais en fait, voilà, c'était ça. C'était que les matons, le rapport de force était tellement renversé que les matons n'étaient même plus à l'intérieur des ailes, ils n'avaient plus de pouvoir. Plus de pouvoir immédiat. C'est les prisonniers qui géraient, quoi, en fait. Ouais. Ouais. Paradoxalement, c'est les prisonniers qui géraient. Non, mais c'est pour bien comprendre. Il y a un film qui vient de sortir sur. Oui, Sur la COPEL. La COPEL. Ah. Ouais. Il y a un film qui est sorti sur la COPEL récemment, il y a quelques mois. Ouais. En France? En espagnol, mais je crois qu'il y a une traduction ou un sous-titrage français qui circule. Et il s'appelle comment? COPEL. Histoire de Roblège ou un truc comme ça. Mais c'est COPEL, en gros COPEL, il se trouve sur internet. Hein. Et les évasions, des tunnels d'évasion, il y en a eu plusieurs en effet. Il y en a deux qui sont racontés dans ces livres. Souvent ça marche pas, mais en fait il y a eu des réelles tentatives de gens depuis l'extérieur. Enfin par exemple, parce que là j'ai parlé de la COPEL en tant que coordination des prisonniers en lutte, mais il y a pas mal de gens dehors qui vont être en soutien à la COPEL, qui vont utiliser l'action directe, qui vont utiliser l'autonomie en aller-retour avec l'intérieur, qui vont sortir des journaux, faire des journaux muraux en soutien aux luttes, qui aussi vont attaquer des palais de justice, des commissariats, des symboles du capital, des banques. Des fois ça va être des soirées coordonnées, ils appellent ça des cocktails à l'as, où il y a entre 8, je ne sais plus exactement, mais mettons entre 8 et 14 groupes qui, la même nuit, décident d'attaquer des choses à l'extérieur pour soutenir la. Enfin, et pour soutenir la lutte des prisonniers, et pour montrer les liens entre l'intérieur et l'extérieur, et participer d'eux-mêmes depuis là où ils sont à la critique du système qui emprisonne des gens, qui a besoin de prison. Et dans ces parties les plus. Voilà, il y a aussi ces tunnels qui vont être creusés. Il y a des tunnels qui vont réussir à faire évader des gens. Il y a un tunnel, c'est un peu plus tard, l'évasion de Ségovi, où il va y avoir, je sais plus, je crois que c'est plus d'une centaine de prisonniers qui s'évadent, dont un ancien du Nil, d'ailleurs. Un ancien qui est pas l'œuvre avec le côté d'un problème. Qui est le théâtre. Et le théâtre, c'était fait en même temps que Franco, quoi. Je crois que ça commence en 54, si je me souviens. Ah ouais, 59, je sais plus. 59. Ça a été dissous il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. On s'est marqué d'ailleurs. Ça a été dissous il n'y a pas longtemps. Non. 59, ça. 2016. Ils ont arrêté de tuer des gens, moi. C'est pas tout à fait ça. Tu as l'anecdote du cygne, la complète. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Initialement, c'était la coréenne, la coréenne suivante, des prisonniers espagnols à Nutte. Et évidemment, le terme espagnol pose un problème, notamment au niveau du Pays Basque. Donc, on tombe la référence à l'espagnol et il reste donc la coordination des prisonniers en lutte. EL, en lutte. Et non pas Espagne. Donc, le sigle, mais effectivement, ils évoluent de la question nationale. Quand tu parles de maintenir l'unité au sein de leur couple, parce que ça commence à terminer. Il y a un des membres du MIL, là, quand il s'est évadé. Et ce qui montre que la répression s'est pas arrêtée avec la mort de Franco, il a été flingué avant de pouvoir passer la frontière. Je ne sais plus son nom là. Auriol peut-être ou... Auriol. Ouais. C'est ça. Oui. Donc la guerre civile, c'était là. Et c'est un peu le problème de l'Espagne, c'est qu'ils ont gardé toutes les institutions. Enfin, il n'y a pas eu de poursuite contre tous les tortionnaires avec ce pacte. Donc tous les partis ont signé, tout va. On fait comme si c'était rien passé, et il n'y a qu'aujourd'hui où on commence à ouvrir les fosses communes. La dernière mesure de Sanchez, c'est de s'apercevoir qu'il y avait encore 750 communes qui avaient des symboles fascistes sur leur mairie, quoi. Et donc là, une loi vient de passer en disant qu'il fallait les enlever. Pour dire que quand même, le franquisme est resté dans les mentalités. Donc tous ces gens qui se battaient quand même... Il y avait plus Franco, mais il continuait à se battre quand même contre une Espagne qui était quand même à mentalité franquiste quand même très forte. Oui, oui. Je ne vais pas acquiescer à chaque fois que quelqu'un dit ça. Non, ça peut être sujet à débat, ce que je dis aussi. À ce moment-là, les mesures de répression plus fort. En Espagne, non, elles sont toujours basées sur des lois franquistes. Ça continue, ça c'est pas la fin des années 70, il y a encore des gens qui sont poursuivis maintenant sur les mêmes bases. Tu sais si, enfin toi, ou n'importe quoi, dans la salle, tu sais si parmi les multiples actions des différents groupes, il y a eu une tentative de se reprendre directement à Franco. Il y en a eu bien avant, mais ça venait des groupes, enfin, de ce qui restait des groupes d'action anarchistes sur la fin des années 50, lorsqu'il y avait encore quelques reliquats de guérillas urbaines ou rurales, en 14 en particulier. Bon, il y a eu plusieurs tentatives, effectivement, de s'en prendre à Franco. C'était tout ce qui restait, effectivement, du mouvement libertaire espagnol. Il y a eu, dans les années 50, une tentative d'attentat aérien. Absolument. Franco, c'est celui que je pensais. Il y a un bouquin qui était en espagnol, mais il a été traduit chez Virus et il a été traduit. Oui, il y a une version française. Ils avaient loué un avion et Franco était à un meeting à Saint-Sébastien de Noster aujourd'hui. Et il voulait lui balancer une bombe sur la gueule, mais ça n'a pas marché. Il a lui balancé l'avion sur le testo, mais bon, ça a foiré. Il y a eu plusieurs tentatives, effectivement, comme ça. La seule qui réussit, non pas contre Franco, mais contre celui qui était son dauphin, ouais, titré, c'est Carlos Blanco, en 73. Donc ça, c'est l'ETA qui le réalise, hein, et qui élimine celui qui était voué à assurer la succession, c'est-à-dire ce qui coûtera la peau à Pouchantik. L'attentat contre Carlos Blanco est en décembre 73. Pouchantik, qui à ce moment-là est en attente de jugement, est exécuté en mars 2014, quoi, trois mois après. Le dernier garrotté, c'est pas le dernier exécuté pour les Franco, dans sa faiblesse finale, a concédé que les cinq derniers soient fusillés en septembre 2015, deux mois avant sa mort, signe de faiblesse de la dictature ou signe d'ouverture en accord de détenus politiques, le poteau d'exécution et non pas le garrot. Est-ce que dans les groupes autonomes, tu parlais de violence, ou quand il y avait une réflexion sur la violence, c'est plutôt les actions, c'est plutôt contre des biens matériels que contre des gens? Non, je sais pas, c'est une question que je pose. De fait, oui. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été refusé consciemment, il faudrait leur demander. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les commandos autonomes. Pour les groupes autonomes aux Pays-Bas, il y a des exécutions politiques. Mm-hmm. Mais qui sont des autonomes, qui sont de tendance libertaire. Oui, absolument. Agissant au Pays Basque, il y a des exécutions. De fait, ailleurs, il n'y en a pas eu, mais je ne peux pas dire si c'est un rejet total de l'idée de s'attaquer aux personnes, ou aux personnes responsables, ou pas. En tout cas, de fait, il n'y en a pas eu. J'imagine qu'il y a une réflexion autour de ça. Par exemple, dans le texte sur le Pays Basque, c'est vachement mis en... c'est quand même bien dit. On y a réfléchi beaucoup, c'est des questions qui sont compliquées, c'est des choses... à un moment, est-ce que... Enfin, de réfléchir de qu'est-ce que ça implique de faire ça. Mais en tout cas, je ne voudrais pas affirmer que c'était qu'il y avait un rejet de cette possibilité-là à un moment dans la lutte. Bah, les guerriers, mais ils sont peut-être plutôt en France, mais eux, je pense qu'ils refusaient quand même les exécutions. Bon, et même après, ils ont enlevé un banquier. Il y en a certains qui disaient, bon, 30 ans après, est-ce que c'est bien d'enlever quelqu'un, quoi? Est-ce que c'est pas une forme de violence sur cette personne, même s'il lui est rien arrivé? Même le mec, quand il a été libéré, il avait plus peur de se faire descendre par les services secrets espagnols que par les anarchistes. Mais bon, les gens qui l'ont fait, il y a un film là-dessus là, qui a été fait par le fils de Bernard Regla, je crois, où on a les témoignages. Il y en a un ou deux qui se posent la question, finalement, enlever quelqu'un, c'est quand même une violence, parce que le mec, il ne sait pas s'il va se faire zigouiller ou non. Même si les ravisseurs disent qu'ils sont gentils, quoi. Et après, le reste des actions des guerriers était plutôt symbolique contre du matériel. Donc à propos des guerriers, là, Cédric a apporté un bouquin dont on l'avait présenté il y a quelques années quand il est sorti. Et donc c'est des documents sur toute l'histoire des guerriers, publié par le CRAS à Toulouse. CRAS, Centre de Recherche sur l'Alternative Sociale. C'est quelque chose comme ça. C'est leur choix. Je voudrais poser une question, c'est pourquoi ce livre, alors qu'il est sorti beaucoup des livres là-dessus, il y a eu beaucoup de conflits sur chaque livre qui sont sortis. Quel a été l'angle d'attaque pour ce livre-là? Je ne sais pas s'il y a tellement de livres en français sur la question. Il n'y a peut-être pas de livres spécialement là-dessus, mais il y a des témoignages de beaucoup de participants dans différents livres. Donc, pourquoi revenir? D'abord, est-ce que les gens qui ont fait ce livre sont une jeune génération, ou est-ce qu'il y a des gens de la génération qui ont participé? C'est que des protagonistes. J'étais pas là au début, mais c'est que des gens qui ont participé aux luttes. C'est que des gens qui parlent des luttes auxquelles ils ont participé. Ouais, au début, on a dit le bouquin en espagnol est paru en 2008. C'est que des gens qui ont participé, et nous, pourquoi on le fait? Parce que, en fait. Mais du coup, peut-être on n'est pas d'accord ou je ne suis pas au courant, mais moi, j'en connais pas de livres qui parlent. Alors, il y a des livres sur le mille, il y a des livres sur le gari. Mm-hmm. Et c'est à peu près tout. À travers les deux, ça parle. Non, mais c'est à peu près tout. Et là, c'est le, pour moi, en français, pas pour la palme, mais juste pour dire que j'ai l'impression que ça n'existait pas. Par exemple, tout le truc sur l'autonomie ouvrière, elle n'est pas connue en français, enfin, elle n'est pas disponible en français, en tout cas. Et ça, on avait l'impression que ce livre, déjà, comme je disais, il défend des perspectives et des modes d'organisation qui nous correspondent, mais aussi il donne un panel et un aperçu assez global sur ces 15 ans, 20 ans de lutte sociale, de lutte autonome à l'intérieur de l'Espagne. Et du coup, elle ne parle pas que de groupes spécifiques. Il y a tout un texte sur l'autonomie ouvrière, il y a tout un texte sur le Pays Basque qui reprend vraiment tout le contexte politique et social. Sur la COPEL, en français, il y a une brochure, mais c'était tout. Enfin, je pense pas vraiment que cette histoire elle était déjà disponible en français. Je pense vraiment pas. Après, il y a des livres sur le Nil. Il y en a, en effet, il y en a 3-4 de ce que l'on connaît. Il y a aussi sur le Et la question qu'on peut poser, c'est quelles répercussions ont eu ces luttes dans les dernières luttes qu'il y a eu en Espagne, sur le logement, sur ces luttes-là, quoi, d'organisation dans les quartiers, par rapport aux expulsions, par rapport à l'immigration. illustrations, tout ça et tout. Est-ce qu'elles sont dans la même tradition ou bien est-ce qu'il y a une coupure, c'est d'autres modes d'organisation? Moi, comme je disais, je ne suis pas historien ni universitaire. Ouais. Après, on peut parler... Enfin, je ne connais pas plus spécifiquement l'Espagne qu'autre chose. L'histoire des groupes autonomes m'a intéressé. Mais après, dire si aujourd'hui les luttes elles sont influencées. Je sais pas si toi tu as des bouts de réponse. Ou si d'autres personnes veulent essayer de répondre à cette question. Mais... Et je me défile pas, je dis juste, je suis pas spécialiste de l'Espagne. Il faudrait demander aux gens là-bas si elles se sentent, si elles se sentent avec un héritage. Quoi. Ça prouve que l'autonomie est jamais morte. Hein. C'est que le refus des organisations avec des sigles. Après, il y a des choses qui disparaissent, qui renaissent. Hein. Si. Non, parce que ces luttes, quand même, qui a eu, donc, ces luttes qui étaient des luttes autonomes, ça a débouché sur Podemos, quoi. C'est-à-dire ce que tu disais, chaque fois une récupération d'organisations politiques qui offrent une perspective électoraliste, tout ce qu'on essaie de. La fusion que tu as fait tout à l'heure sur un peu le manque de perspective de ces luttes à un moment donné, il s'est retrouvé encore récemment. Un peu les mêmes mécanismes qui se sont mis en place. Tu dis ? Je dis que c'est une éternelle recommandation. Ouais. Le soulèvement du 19 juillet pour stopper le coup d'État débouche 3 mois après sur la collaboration ministérielle des camarades ministres de la CNT et de la FAI. Ils n'étaient pas tous d'accord. Une période de double pouvoir, mais qui n'aura duré que 3-4 mois. Mai 37 est vraiment l'acte final. Mais c'est déjà bien mort depuis un moment. Mai 37, c'est l'estocade finale, quoi. Mais oui, en tout cas, nous, par exemple, ce que tu soulèves là, c'est pour ça qu'on sort ce livre, quoi. Pour garder cette critique de dire la gauche arrive et faut bien se présenter comme une solution, quoi, comme une voie de sortie. Et on peut parler des gilets jaunes si on veut, je pense que c'est le risque, quoi. C'est leur sapin au nez, quoi. Là, les syndicats qui arrivent dans la danse et qui font notre grève générale, un parti qui se fonde, alors... est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, mais en tout cas, on revoit, il y a des trucs, il y a des voies de sortie, quoi. Il y a des voies de sortie réformistes qui essayent de se faire un chemin. À un moment, il faut trouver une manière de rappeler aux clients. Alors, ce qui pense, c'est que, par contre, c'est des perspectives révolutionnaires, elles sont plus fortes qu'elles dans les années 70 qu'aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de perspective, elles sont quand même à ce moment-là, avec un truc qui était beaucoup plus clair, beaucoup plus. Aujourd'hui, les perspectives révolutionnaires, on peut les dire, mais moi. Vu qu'il y a plein d'histoires, il y a toujours des enjeux un peu derrière. Enfin, est-ce qu'il y a eu des réponses à ce livre, par exemple, en Espagne? Des gens qui ont aussi participé à ces mêmes mouvements et qui sont sentis un peu dans de répondre, de critiquer, de. Pas que je sache. Mais oui, c'était un des bouts, ce que tu soulevais là, c'est un des bouts, comme je disais, bon, si ça parle pas trop, on pourrait parler de ça, de tiens, si on estime qu'on est des révolutionnaires ou qu'on a des idées révolutionnaires. En effet, je pense, pour parler des gilets jaunes, je pense qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'utopie, mais c'est aussi la gueule de l'époque. C'est pas... enfin, je pense, en effet, il n'y a plus beaucoup d'imaginaire révolutionnaire, il n'y a plus beaucoup de trucs. Et du coup, ça serait peut-être parler de... ça serait quoi des interventions des personnes anarchistes ou autonomes ou communistes libertaires. Fou, c'est des mots qu'on met. Mais quand il y a un mouvement social, quand il y a un mouvement qui, en tout cas, une grogne de plusieurs milliers de personnes, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien pour le moment du tout, comment est-ce qu'on estime qu'on peut... enfin, ça serait quoi un apport de personnes avec des idées révolutionnaires? D'autant plus dans un moment où il y a une perte... enfin, je sais pas, j'ai l'impression que dans les années 70, par exemple, les personnes pouvaient encore imaginer le socialisme, ou le communisme, ou l'anarchie, ou... on est 40 ans plus tard, il y a la démocratie qui est arrivée, qui a bien sapé les trucs... et... il faut passer par la table des négociations. Sauf qu'il y a dans les ordres de gens qui votent à l'élection. Ouais. Mais par exemple, on voit, il y a 60% des gens qui refusent, qui boycottent les élections syndicales. Mais là, oui, pourtant. Tu as parlé des élections syndicales, c'est avant la mort de Franco ? C'est avant. Oui. Mais est-ce qu'il y avait une pluralité syndicale ? Non. Oui. Il n'y avait que qui ? Il n'y avait que le syndicat officiel ? Ce sont aussi les dernières élections syndicales, on était en 71. Ouais. Ça sent déjà la fin, ouais. Mais il n'y avait que le syndicat officiel. Et il y a déjà les commissions ouvrières, comme un mouvement ouvrier auto-organisé au départ, qui existe depuis plus de 10 ans. Mais ils ne se présentaient pas, les commissions ouvrières? Non, parce que je veux dire, il y avait donc, les élections syndicales organisées pour le syndicat unique. D'accord, vertical, donc les 60%, c'est un peu normal. Phalangiste. Voilà, donc, mais il y avait obligation d'aller. Les élections syndicales, d'accord, se déroulaient pendant des heures de travail, avec obligation d'y aller. D'accord. Donc, écriture. En 71, les risques étaient beaucoup moindres que dans les années 50 ou début des années 60, mais à l'époque, il fallait quitter son poste de travail sur autorisation de l'employeur et prouver au retour qu'on s'était bien rendu au bureau de vote. Ah ouais. Et comme tu avais présenté, j'avais cru comprendre qu'il y avait une pluralité syndicale et que les ouvriers refusaient tout le monde. En 71, c'est déjà plus le cas. Et on sent bien que la situation commence largement à se retourner. Quoi. Comment procédait-il à l'époque? Elle parle plus fort, sinon au fond, elle ne t'entend pas. Comment ça se passait à l'époque alors? Parce que ce qui était décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement ouvrier en parallèle des syndicats. Oui. Mais comment ils s'organisaient? Parce qu'ils devaient on ne devait pas pouvoir se réunir, discuter. Mais, comment ça se passait? Ça a été un foutoir général, parce que là-dessus, il y avait les tentatives de réorganisation des organisations politiques et syndicales aussi, aussi bien la CNET, pas encore en 68-71, mais dès 72-73, les premiers groupes qui se posent la question d'aller vers la réorganisation. Il y a encore quelques vieux militants qui, pour certains, ont passé 10, 15 ou 20 ans au trou, qui sont sortis, qui ont repris un mouvement comme ils ont pu, et qui décide de faire l'infiltration au sein du syndicat vertical, parce que c'est la seule couverture légale qui existe, le seul cadre possible. Et donc, au sein du syndicat vertical, il y a tous les courants qui s'y retrouvent, qui essaient d'infiltrer. Alors, donc, selon les branches d'activité, c'est plutôt les Stahl, ou plutôt les Mao, ou plutôt les Anars, certains qui sont infiltrés, qui utilisent les locaux officiels, du syndicat officiel. Le PC s'est monté là-dessus à Madrid avec aux ouvriers dès le départ. Le leader national que porte le PC soumis Camacho à l'époque, il est au syndicat vertical. Il a double appartenance, les socialistes aussi, une partie de la CNET ou de ce qui reste de la CNET aussi. C'est la seule possibilité. Les premières assemblées de reconstruction de la CNT à Barcelone, je peux te le dire, je peux te l'assurer, elles se tiennent dans le premier réunion plénière de la CNT en septembre 1976, elles se tiennent dans le local du syndicat vertical. Et la garde civile débarque, parce que 300 personnes qui se rassemblent, à un moment donné, ça se voit, qui débarquent un samedi soir vers 21h, et ce sont les militants de la CNT qui appartiennent au syndicat vertical encore à l'époque, qui sortent, qui montent leur cas, qui se portent garant de la réunion. On est dans une situation là, Franco est mort en novembre, les élections générales qui officialiseront la démocratisation de l'Espagne, c'est en juin 77, on a un an et demi là, durant lesquels on ne sait pas du tout ce qui va se passer. À tel point d'ailleurs qu'il y a la fameuse tuerie de Vitoria en février 76, lorsque la police tire sur les réalistes, avec 5 morts. On est là dans une situation pendant un an et demi de la mort de Franco aux élections générales avec la légalisation du PC qui est arrivée en avril, des syndicats en mai, on légalise les partis politiques avant les syndicats parce qu'il y a les élections générales qui arrivent, donc il y a urgence en termes de timing. Mais jusqu'à ce moment-là, je ne sais pas trop où ça va se passer, puis c'est encore un peu chaud après. Hein. La Constitution. Donc il y a les élections générales en 1977 qui désignent les Cortes constituantes, d'où sortira la Constitution baptisée en 1978. Mais là, il y a un an et demi de la mort de Franco aux élections générales en 1977, où se déroule d'ailleurs tout le phénomène Coppel et autres, hein, excessivement chaud. On ne sait pas du tout vers où ça va aller. Et on le sait tellement peu que la queue de cerise de franquiste, c'est la tentative au coup d'État de Ferrero en février 81, quoi, ce qui déboule avec son pilote d'un Cortés, et qui tient un jour Adolfo Suárez, chef du gouvernement, García Mellado, militaire à cette époque ministre de la Défense, et l'armée qui sort dans les rues à Valence, ils sortent les chars, quoi, hein. Valence est à l'état de siège. C'est la seule ville, grosse ville d'Espagne à ce moment-là, où l'armée sort réellement dans la rue, il décrète les sièges et les blindés sortent dans les rues en février 1981. Il y a tout ce travail un peu clandestin à l'intérieur du syndicat vertical, syndicat franquiste. Mais à partir du début des années 70, ça démarre de là, mais il commence à prendre un peu plus d'aisance et à organiser des assemblées à l'intérieur de l'usine, par exemple. Oui. Enfin, à un moment, il y a tout ce travail qui, ce que j'ai lu, hein, mais qui est pendant une dizaine d'années d'être à l'intérieur du syndicat vertical, d'essayer de recommencer petit à petit. Il y a des arrestations, il y a des perquisitions, il y a des gens qui vont en prison. Enfin, c'est pas tout simple, quoi. Et à partir du début des années 70, il y a un mouvement assez fort qui peut aussi imposer les assemblées à l'intérieur des usines, qui du coup la sort de la clandestinité. Ah oui, là ça se passe effectivement devant l'usine, et puis qu'elle rêve, etc. À Barcelone, soit la maquiniste à Terrestre Maritime, qui est un des bastions historiques de la métallurgie, ou que ce soit à la Olietti, c'est la grève sauvage, quoi. C'est à l'entrée. Bon, le travail a été fait en amont, clandestinement, mais les assemblées se tiennent devant les grilles, ou carrément dans la cour de l'usine. Et une des actions du MIL, c'était de soutenir certains grévistes. Il y avait une usine Harry Walker. Oui, c'est la grève de Harry Walker en 1971. C'est à ce moment-là, effectivement, que c'est l'une des premières publications, je crois, d'édition Maïvan Tessier. C'est une brochure de soutien à la grève de Harry Walker. Bon, je me suis dit, il y aura une série d'autres brochures de publications. Est-ce que par décès informel, il y en a qui se sont restitués en prison? Est-ce que la grande tradition avant 1936, c'est qu'il y avait des libertaires anarchistes qui étaient emprisonnés, et donc en prison, ils pouvaient beaucoup discuter, se coordonner, tout ça et tout. Mais est-ce que là, à cette période, on se retrouve dans la même situation ou pas? C'est des gens qui sont... Je sais pas. Je crois pas, mais je sais pas. En tout cas, les groupes, les témoignages que moi j'ai eus, c'est des gens qui se rencontrent dans la rue, qui se rencontrent dans les luttes, qui se rencontrent aussi, pour continuer un peu sur ta question. C'est pas mal des paroisses, des mouvements de jeunes catholiques qui vont servir de lieu de rencontre pour les jeunes rebelles. Mais en fait, qui vont être utilisés parce que c'est les seuls endroits où tu peux te rencontrer. C'est les seuls endroits sous la dictature où tu peux sortir de chez toi et rencontrer des gens. Ce sont les deux institutions qui offrent des possibilités de locaux, le syndicat vertical et l'église catholique. Et du coup, ça échappe complètement au final. Mais c'est à ces endroits-là qu'ils se retrouvent. Donc, pour répondre de ce que moi j'ai lu et entendu, c'est plutôt des gens qui se rencontrent dans des moments de lutte ou dans ces locaux paroissiaux où il y avait des gens qui se pointaient et qui se retrouvaient, qui discutaient de la grève, de la manifestation, de trucs. Il y a des anarchistes qui sont aussi présents là, qui viennent dire, enfin, qui viennent partager leurs idées, et ça fait plutôt ça. J'ai l'impression que ça se monte plutôt dans la rue et dans la lutte. Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des rencontres en prison. Par exemple, un gars de la COPEL que j'ai rencontré, qui démarre comme prisonnier de droit commun pour des petits braquages de survie, quoi, il était pauvre et il volait pour faire vivre la famille. Quand il sort, donc il rencontre les autonomes à l'intérieur de la prison, et quand il sort, il prend part, il continue à fonctionner avec les autonomes. Je ne sais pas si c'est une constitution d'un groupe, mais en tout cas, lui, quand il rencontre des gens, les idées lui parlent, et voilà, et quand il sort, il va prendre part aux luttes. C'est quand ça? Lui, dans mon souvenir, il sort en 79. Et par exemple, c'est une caution. Pour sortir, il doit payer une caution. Et c'est l'ensemble des prisonniers qui payent la caution. Du coup, c'est la COPEL après par rapport à ce qui se passe à la lutte contre une filiation naturelle, quoi, un truc qui c'est deux choses différentes, deux écoles différentes. Il en parle de la personne qui a participé à la COPEL. À un moment, il parle et après il y a les fiesses. Mais lui, il est déjà sorti. Ils disent que ça lui passe parce que tout le monde ne doit pas savoir. Il y a un isolement après des... C'est l'équivalent des QHS en France. Moi, je trouve ça toujours difficile de juger s'il y a un héritage ou pas. Mais il y a des prisonniers qui disent quand on arrive... donc la COPEL se termine en 79. Il y a des prisonniers qui disent quand on arrive au début des années 80, il y a encore des réminiscences de ça. Il y a encore des sortes de codes éthiques à l'intérieur de la prison qui datent de la COPEL. Donc d'entrée d'entre prisonniers, voilà. Mais j'imagine que ce n'est pas l'ensemble de la population carcérale. Mais en tout cas, il dit, ouais, il y a encore des bouts de ça. Donc c'est fort probable. Je sais pas si les luttes, elles réémergent, parce qu'elles réémergent, ou si c'est grâce aux expériences d'avant. Après les années 80, il y avait quand même une auto-organisation dans les mouvements militaristes dans les prisons. Il y avait beaucoup d'antimilitaristes qui étaient en prison à ce moment-là. Et eux, ils ont continué ce mode d'organisation. Parce qu'entre la COPEL et le FIES, il y a eu, je sais plus comment ça s'appelle, là. L'AFRA. L'association des prisonniers et des proches de Cuba, qui va aussi mener une lutte assez dure. Et là, la filiation a l'air d'être un peu plus claire, mais pareil aussi, s'il y a des gens qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de la COPEC, qui ne prennent pas. Et oui, le mouvement des insoumis, hein. C'est assez fort. C'est des milliers de personnes qui passent en taule pour leur refus du service militaire, même du service civique, organisé en assemblée, pour une partie en tout cas. C'est un truc assez important. Et puis on en retrouve beaucoup justement dans les occupations sur les logements, tout ça. On retrouve beaucoup de ces générations-là qui étaient de cette génération-là, ensuite qui ont commencé à organiser des expulsions, des oppositions, tout ça. Par le groupe affinitaire, est-ce qu'ils y mettent le même sens que nous, on peut y mettre maintenant? Enfin, c'est quoi le affinitaire? Tu mets quoi comme truc maintenant? Un mélange de politique et de paix de personnel, je pense à moi. Un mélange de tout ça, c'est de savoir où est la place et l'équilibre entre les deux, ça je sais pas, je serais incapable de le déterminer, mais... Alors est-ce qu'ils pensaient plus vers quelque chose quand je... Qu'est-ce qu'ils y mettaient avant 70, derrière ce terme? Non, mais c'est une vieille tradition anarchiste du groupe affinitaire. Non, évidemment, comment ils se constituent, c'est... par définition, c'est difficile à préciser. Non, je veux dire, l'affinitaire, soit il est, par exemple, du politique directement, parce que les gens se rencontrent dans un cadre politique, ou est-ce que c'est déjà des bandes de gens qui se connaissent dans d'autres cadres et qui se politisent ensemble? Enfin, c'est... Est-ce que là, dans les témoignages, ça ressort de mécanismes ou pas? Oui, il y a un truc, ça fait un peu plaisir. Non, je pense que c'est... En tout cas, sur l'expérience qui est expliquée là dans Valence, c'est on se rencontre dans la rue, dans ce local paroissial, on se retrouve sur les manifs, on a la même tendance à foutre la merde dans les manifs, on se retrouve et on est un groupe affinitaire. Tu as le bouillon de culture des commissions ouvrières avec toutes les chiées de courant, plateformes, entre autres, enfin, 50 000 scissions, courant, tendance, etc. Et, groupe, et donc c'est dans tout ce mouvement-là que se créent effectivement des groupes, de fait, des groupes d'affinités. Alors, certains se sont retrouvés à la paroisse du coin, et tout un courant qui vient de la JOC. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés dans des assemblées plus ou moins syndicats verticales, qui étaient officiels ou pas, bon, qui se retrouvent, qui s'identifient, qui se reconnaissent d'une assemblée à l'autre, d'une réunion à l'autre. Et se tissent des liens comme ça, parfois très personnels, parce qu'on est encore dans la clandestinité, néanmoins. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est ça ta définition, je pense que c'est assez similaire. En tout cas, peut-être c'est de la projection, mais moi c'est ce que j'y vois en tout cas. C'est des gens qui se retrouvent sur des objectifs politiques et qui aussi essayent de transformer leur quotidien ensemble à des moments. Ils n'ont pas qu'un rapport de militants entre eux. Ça dépend. Au milieu de le mille, ça dépend si tu parles d'Ego à Barcelone ou si tu parles de la branche toulousaine. Ce qui va être effectivement politique. Après Coriol, Jean-Marc, Cricri et autres. Et bon, ça, c'est autre chose encore, mais qui est vraiment structuré dans l'après 68 toulousain, plus Auriol qui est espagnol, qui est réfugié, et ses frères, l'un des frères d'Auriol, je ne sais plus son prénom, est à Barcelone et appartient à un autre groupe. Ils feront des actions communes ensemble, mais ils appartiennent à un autre groupe. Que la police appellera, et bon, ils le reprendront aussi à ce moment-là, la OIA, l'organisation de lutte armée, l'organisation de lutte armée, mais bon, c'est un autre groupe autonome, anti-autoritaire, qui n'est pas omis, même si il mène les actions ponctuellement en commun. Et la fratrie, évidemment, ça aide. Auriol Solé Soubelagnès, il avait deux frères, Rordi et Ignacio. C'est Ignacio qui était à la OIA. Mais la OLA, tu peux dire ce que c'est? Organisation de lutte armée, organisation de lutte armée, en catalan. Mm-hmm. Alors, contrairement aux mille, eux sont installés. Eux ils sont pas clando. La plupart, beaucoup de militants du mille vont basculer dans la clandestinité. Parfois, ça devient trop de traîne. C'est le cas de Pouchadik, c'est le cas de Rochevet. En revanche, là-haut, il y en a. Eux, ils bossent, ils sont installés, ils ont leur domicile. Pendant leurs heures de loisirs, ils mènent leur loisir comme ils veulent. Et est-ce qu'à travers les témoignages que tu as lus, comment l'infiltration policière est arrivée à les pénétrer? Est-ce qu'ils en ont, ils ont fait un retour là-dessus? Entre les groupes autonomes du Pays Basque, les groupes autonomes de Catalogne, dont le MIL, entre autres, et toute une série d'autres groupes qui ont pu surgir, à vie plus ou moins éphémère, les infiltrations desquelles on parle, c'est pas du tout la même pratique. Il est clair que la situation politique, militaire au Pays Basque est très différente de la situation politique et militaire en Catalogne. L'état d'urgence est décrété maintes fois au Pays Basque espagnol, en Euskadi. Et il y a une lutte armée, une lutte armée menée par l'ETA et toute une série d'autres groupes, parce que l'ETA est la tête de front, les groupes autonomes libertaires au Pays Basque mènent des actions violentes, tu viens de parler, pas que des braquos, mais aussi des braquos. Il y a toute une infrastructure à tenir et à maintenir, des planques aux bagnoles, aux armes achetées, etc., explosifs et je me passe, plus le point de repli côté français éventuellement. Ça coûte une poignée, quoi. Puis on parle de groupes, mais de nouveau, il y a des groupes qui en effet sont constitués, mais aussi un groupe, ça va être toi et moi ce soir, on estime qu'on va y cramer un péage. Et du coup, on fait un groupe le temps du péage, mais par contre, ce sera toi et moi sur un journal. Du coup, aussi, infiltrer les groupes, quand c'est pas vraiment des groupes constitués, c'est. Faudrait pas ça brûler le commissariat. Et je pense que c'est. C'est une des raisons d'être, en tout cas, une des apports tactiques de ces groupes autonomes qui se font, qui se défont, c'est que c'est difficilement infiltrable. Mais les garis tombent en partie par une infiltration. Oui, les garis, oui, pas le MIL. Voilà. Paradoxalement, le MIL tombe alors qu'il va prendre sur l'autodissolution en août et les arrestations. Ben, la première vague grosse de l'arrestation a lieu en septembre. Bon, là, c'est pas. Une grossièrissime, pour te dire. Mais Gary, oui, il y a un infiltré proche de l'Alberola, apparemment, depuis une dizaine d'années. Il avait déjà sévi lors de la première dix ans plus tôt, le même. L'affaire Delgado Granados, c'est lui, hein. C'est le mec qui a fait tomber Delgado Granados. Il avait déjà sévi. C'est deux jeunes espagnols qui étaient allés en Espagne et qui. Se sont fait arrêter, qui ont été accusés, alors ça c'est en 63 par là je crois, ou 65, et ils ont été accusés de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, et ils ont été fusillés ou garrottés, c'est garrottés, ouais. Et donc il y avait, effectivement, ils sont tombés parce qu'il y avait un indique dans le groupe. Il y avait un fils de réfugiés politiques espagnols, ouais. Comme eux, ouais, du reste. Ouais. Et c'est le même qui ressort sous la terre Qui avait été retourné, effectivement, qui avait été retourné par la police espagnole. Et en dépit d'un cordon sanitaire qui avait été demandé et réclamé à Corsi Alcri, notamment par Alberol, il est aussi. Enfin, reste que, apparemment, il rentre à nouveau dans la boucle au moment d'affaire d'enlèvement du banquier, sous la laisse. En 1974, double foirage complet de leur rançon. Une partie est filée, suivie. On suit la moto et avec les deux sacoches qui transportent la moitié de leur rançon. On l'arrête quand il paraît évident qu'elle se rend de Nîmes à Toulouse. Les coffres derrière. Oui, qu'on a présenté le bouquin, il y a une des protagonistes de l'affaire, mais qui était. Qui s'est fait arrêter à ce moment-là, mais qui nous a un peu raconté sa version des choses. Autre question, on discute autour d'un verre. Oui ? Non ? Bon, bah écoute, Cédric, merci encore de ta venue. Donc il a apporté avec lui plusieurs exemplaires du bouquin. Donc s'il vous intéresse, vous réglez directement avec lui. Combien ? Il est pas. Tu le fais à combien au prix marketing ? 5€ ou 7,50€. Allez, au choix. 7,50€ au prix officiel, 5€ pour les. pour les économiquement... Je vais pas dire le passage.